cowboy. Je vais essayer le dernier son, après j'arrête. Les conneries. Il est où le dernier son? American Crunch. Equalisation à gauche et reverb. Il n'y a pas de reverb. Thank you.